autour de nous, garde nos images et les sons de nos rêves. Notre monde est en vue, loin des bruits qui séparent celui sur lequel sonneront juste nos pas. Je ne voudrais plus rien entendre, juste l'air qui forme. Tu dors dans nos bois.